Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL tous les troisièmes lundis du mois en direct de 19h à 20h30, retransmis le jeudi matin de 8h à 9h30. Il y a également un blog sur lequel vous pouvez trouver nos émissions. Donc c'est le blog, le nom de l'émission c'est Jungle des luttes, donc, et vous pouvez avoir accès aux émissions quasi toutes depuis 2007 avec donc la jungle des luttes, son programme de base, c'est l'idée de rencontrer, de faire un pont entre les luttes qui sont en bas à gauche, on pourrait dire, c'est-à-dire en tous les cas qui regardent jamais vers le pouvoir et qui donc construisent des résistances et des luttes justement sans regarder vers là-haut et qui sont justement anticapitalistes. Et on est aujourd'hui avec des copains du collectif anarchiste solidaire avec la résistance à Rojava, c'est-à-dire la partie syrienne du Kurdistan, la partie occidentale. Donc on abordera cette lutte de Kobané dont on entend beaucoup parler sur les ondes, mais on va peut-être essayer de parler vraiment de ce qui se passe en termes politiques et du point de vue des villages, des communautés, des cantons qui sont organisés en assemblées populaires, qui ont également donc, un caractère armé en termes de résistance, mais qui du coup ouvre à l'autonomie d'une certaine façon, ou une forme d'autonomie avec sa propre expérience. Donc on a le collectif avec nous pour en parler. On aura en fin de partie, on évoquera toujours dans le cadre des luttes, hein, les résistances du quotidien ou contre des grands projets. On a entendu aussi beaucoup parler du décès de Rémi Fraisse, de son assassinat par les forces policières. Et donc on parlera plus précisément de la répression policière, puisqu'il y a beaucoup de bruit autour de Rémi Fraisse, mais c'est l'occasion en tous les cas de parler de toute la répression policière, des différentes et des victimes multiples et qu'on ne reconnaît pas forcément. Donc il y a eu justement un concert ce samedi dernier à La Parole Errante à Montreuil, donc on aura des prises de parole, on a enregistré quelques prises de parole et on sera avec Thomas qui nous présentera justement ce qui s'est passé et donc on va faire une petite pause musicale avant d'entrer dans le vif du sujet avec les copains du collectif Anarchistes Solidaires avec la résistance à Rojava. Musique. Gitu shirani lele amed amed amed amed 106.3 à la jungle des luttes. Donc on commence tout juste notre émission, on parle de Kobané et plus précisément de la résistance kurde, pour ce que ça représente justement dans cette résistance par rapport au pouvoir syrien notamment. Et donc on est avec le collectif anarchiste solidaire avec la résistance à Rojava. Camille, tu peux peut-être nous présenter ce collectif qui est assez récent et qui, malgré tout, a déjà plein de choses à nous raconter. Alors, le collectif donc, anarchiste solidaire avec la résistance du Rojava, ça s'est constitué il y a environ un mois et demi, début octobre. C'est un groupe d'organisations anarchistes, de collectifs et de personnes non organisées. Donc, ça regroupe pas mal de monde. Donc, l'idée, c'était d'apporter donc, notre soutien à la révolution au Rojava, et de s'informer dans un premier temps et puis d'informer donc les gens sur ce qui se passe au Rojava, qu'est-ce que la résistance kurde et quel est le modèle démocratique qu'ils sont en train de mettre en place. On en parlera tout à l'heure. Et donc nous, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on diffuse l'information à travers donc des tracts, un blog donc qu'on a mis en place. Et on fait aussi donc des réunions publiques. On a déjà fait un meeting donc sur cette question-là à Paris. Donc vos réunions publiques, elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. S'il y a des gens qui veulent éventuellement se joindre à vous. Voilà, donc on en a qui vont être prévues dans les semaines qui viennent. On fait aussi donc on a prévu de faire une tournée avec des militants turcs, donc d'une organisation anarchiste turque, qui viendront nous raconter un peu ce qui se passe là-bas, à la frontière entre la Turquie et le Kurdistan. Et on met aussi en place une souscription donc, pour récolter des fonds pour la révolution Rojava, donc pour leur apporter un soutien matériel dans tout ce qui est soutien, on va dire, humanitaire, des médicaments, etc., mais aussi des armes, parce qu'il faut bien que la lutte passe aussi par la lutte armée. Donc, c'est ce qui se passe là-bas. La résistance, c'est une résistance aussi armée. Donc, ils ont besoin d'armes pour la réaliser. Voilà, donc c'est... On a des réunions qui sont aussi ouvertes, donc qui se passent tous les lundis à 19h30 à Publico. Peut-être tu peux donner l'adresse pour ceux qui c'est dans le 11e rue Amelot, non? Voilà, ouais. C'est rue Amelot, c'est la librairie, c'est une librairie donc Publico. Donc les gens sont invités à venir s'ils veulent avoir de l'information ou peut-être apporter de l'information éventuellement et échanger. Voilà. On échange beaucoup d'informations déjà entre nous et puis après on essaye aussi donc de mener une espèce de campagne d'information. Et tu m'as dit qu'il y avait un blog? Non. Donc le blog, ouais. C'est www.rojavasolidarité.noblogs.org. Voilà, donc Rojava, R-O-J-A-V-A. Voilà. rojavasolidarité.noblogs.org. Et bon, bah alors, donc voilà, on va rentrer dans le sujet maintenant, que vous savez que vous avez les moyens d'avoir de l'information et de partager autour de cette lutte. On est aussi avec Jem, tu fais partie de ce collectif également. Tout à fait. Et si tu veux bien, peut-être que tu peux nous donner un petit peu ce contexte, puisque on est tous au courant qu'il y a eu une opposition à Bachar el-Assad en Syrie, une sorte de guerre civile s'est installée, un certain nombre de forces sont en train de s'installer, de s'opposer à Bachar el-Assad, et tu peux peut-être un peu nous raconter justement ce qu'il en est pour qu'on comprenne peut-être mieux après tout ce qui est en jeu. Oui, en fait, le sujet est très vaste pour essayer d'analyser ou parler un peu du mouvement de libération kurde en Turquie, parce que ça se fait en fait dans quatre parties de Kurdistan, qui est en Iran, en Syrie, en Irak et en Turquie. Et en Turquie, en fait, il y a une guerre depuis 1984. Et le mouvement, le parti, en fait, qui est très, très organisé et très présent dans le Kurdistan de Turquie, mais aussi dans d'autres parties, a aussi en fait des partis similaires, c'est-à-dire le PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, a créé en fait les partis similaires dans d'autres parties du Kurdistan. Et du coup, c'est pas un truc très récent, mais sauf que au Rojava, avec la résistance à Kobané, tout le monde a parlé en fait, commencé à en parler parce que c'était très médiatisé, parce qu'il y avait une résistance depuis 2 mois très héroïque contre l'État islamique, Daesh. Et de la part en fait des combattants de PYD, le PYD en fait c'est parti, mais aussi il y a des combattantes et des combattants, et c'est une résistance en fait vraiment très héroïque, parce qu'ils ont commencé à résister et avec leurs armes vraiment très très légères, très légères en fait, on peut dire ça, alors qu'en face, en fait, Daesh était vraiment très, très armé, avec des armes très sophistiquées, tout ça. Et c'était vraiment une résistance très populaire, suite, en fait, à laquelle la grande majorité des civils sont partis en Turquie et vivent, je crois qu'il y a plus de 200 000 personnes qui vivent dans les camps de réfugiés, un peu dans la misère. Et alors, quant à la résistance à Kobané, en fait, déjà, le modèle développé par le PYD, par Öcalan, en fait, par le PKK, qui est en train de en fait, se constituer par le PYD au Rojava, ça a commencé en fait en 2012. Et ils ont, en fait, une fois qu'il y a eu, il y a eu un mouvement ou une révolte populaire contre le régime de Bachar el-Assad, et au début c'était carrément un mouvement très populaire, qui est devenu au fur et à mesure en fait un mouvement, pas tout mouvement, mais une grosse partie en fait un mouvement islamiste, on peut dire ça. Et soutenu au début par les grandes puissances, mondiales, moi je dirais par les pays impérialistes. Et quand en fait Assad il n'était pas capable de mener en fait une guerre sur plusieurs fronts, sur les territoires kurdes, c'est-à-dire au Rojava, et quand les Kurdes ont commencé à récupérer en fait leur territoire, il a dû se tirer en fait du Rojava. Sauf quelques régions, parce que dans certaines régions, il y a eu des conflits entre le PYD et Assad. Et quand il est reparti, les militants de PYD ont commencé à tout de suite, en fait, à mettre en œuvre leur modèle, qui est l'autonomie démocratique, en créant en fait 3 cantons, à Djezire, à Efrin et puis à Kobané. Et à Djezire, pour le moment, disons que ça se passe plutôt calme, il n'y a pas vraiment une de guerre combat, ouais. De combat, oui. À Kobané, il y a une guerre très intense depuis 2 mois. Et à Efrin, qui est toujours très isolé et encerclé par les islamistes, il y a un danger. Il y a un danger, c'est pourquoi les Kurdes ils ont fait un appel pour être vigilants vis-à-vis d'une guerre éventuelle. Et avec les islamistes qui ont commencé à encercler, menacer aussi le canton d'Efrin. Et dans chaque canton, ils ont aussi créé en fait des assemblées populaires, et dans lesquelles en fait dans l'administration des cantons, il faut que je le précise parce que c'est très important, comme les États-nations ou le régime de Bachar al-Assad se basait sur une... En fait, c'était un régime qui ne reconnaissait pas les autres peuples et les autres croyances dans son pays. Et du coup, au Rojava, toutes les croyances et toutes les ethnies ou tous les peuples sont reconnus et sont égaux, en fait, au niveau juridique. Depuis justement... Depuis 2012. Depuis 2012, depuis que Bachar al-Assad a cédé une sorte d'autonomie sur ses territoires. Tout à fait. Ce qui n'était pas le cas donc avant. Exactement. Enfin, pour bien préciser, parce que oui. Du coup, c'est... Avant, les Kurdes, une partie des Kurdes, je crois que c'est autour de 300 ou 500 000, n'étaient même pas reconnus par, en tant que citoyens. Ils n'avaient même pas en fait, une carte d'identité par le régime de Bachar al-Assad. Et puis, les Kurdes n'avaient pas le droit de parler vraiment leur langue, vivre leur culture, tout ça. Parce qu'avant aussi, il y avait des organisations politiques et il y a multiples, en fait, des organisations politiques de l'extrême gauche, un peu, je ne vais pas dire l'extrême droite, mais des gens pro-Barzani qui est le chef, en fait, de l'autonomie kurde en Irak, du Kurdistan irakien. À partir de 2012, quand ils ont commencé à récupérer leur territoire, ils ont commencé à mettre en œuvre leur modèle. Et puis, en fait, ils ont créé une sorte d'unité entre tous les partis, à peu près, et politique, au Rojava. Et puis, ils ont créé les cantons. Et dans les cantons, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une parité déjà, c'est très important, entre les femmes et les hommes. C'est 40%, 40%, et 20%, en fait, c'est libre. C'est-à-dire, ça peut être les hommes ou les femmes. Tu veux dire par rapport à la participation armée ou politique ou les deux ? Les deux, dans l'administration, mais aussi et dans le combat, dans le quartier populaire. Et partout, il y a une parité et la polygamie s'est interdite parce qu'ils ont fait une charte où nous, on dit un contrat social et dans lequel, en fait, disons qu'il y a un contrat social très, très progressiste vu, en fait, les États sur place comme la Syrie, voire la Turquie et les autres pays. Et déjà au niveau des droits de femmes, il y a des trucs très très importants. Il y a aussi une coprésidence qui est instaurée à tous les échelons en fait, d'autogouvernement, on va dire. Par exemple, c'est toujours un homme et une femme qui président en fait, les groupes, par exemple dans les quartiers, dans les communes, dans les villes, dans les rues aussi. Il y a des groupes un peu à tous les échelons en fait, d'organisation, d'auto-organisation. Et les femmes, elles sont présentes vraiment dans tous ces échelons. Est-ce que ça, c'est aussi le cas dans le cadre du PKK côté Turquie ? Parce que du coup, il y a eu une sorte de mise en place d'une organisation sur les parties du Kurdistan hors de Turquie par le PKK. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu cette évolution qui est en train de se passer en Syrie, c'est le reflet de la politique du PKK ou c'est l'émanation d'une organisation qui a eu lieu et donc qui, dans un contexte, réagit et innove quelque chose et une sorte d'émancipation qui n'est peut-être pas vécue en Turquie Le confédéralisme démocratique ou l'autonomie démocratique a été conçu par Abdullah Öcalan, c'est-à-dire en fait, qui est en prison sur l'île d'İmralı depuis 1999, c'est-à-dire à peu près depuis 15 ans. Et c'est lui qui a conçu en fait, ce projet, et, si je ne me trompe pas, depuis au moins une bonne dizaine d'années. Parce que en fait, ces critiques ont commencé bien avant, dans les années 90, sur l'État ou l'utilité de créer un État-nation dans la région, notamment un État national kurde, parce qu'il a commencé à remettre en question ça. Il a dit on n'est pas obligé de passer par cette étape-là, c'est pas évident, on n'est pas obligé non plus. Il faut faire autrement parce qu'aujourd'hui, en fait, les frontières sont vraiment deviennent très obsolètes. Et du coup, il a essayé de développer un autre projet, pas seulement pour les Kurdes au Kurdistan, mais aussi en fait pour le Moyen-Orient, parce qu'il a conçu ce projet dans un premier temps pour le Kurdistan, mais et ensuite en fait pour la région carrément. Et oui, c'est le PKK, dans le PKK ou dans d'autres partis qui ont des liens ou qui reconnaissent Öcalan comme leader politique, il y a exactement le même modèle dans le parti. C'est-à-dire il y a une coprésidence. Par exemple, aujourd'hui, les porte-parole en fait du PKK, c'est une femme et un homme. Et chaque fois il y a une sorte de coprésidence Et du coup, ça a commencé, bien sûr, avec le PKK, depuis une dizaine d'années. Et c'est le PKK, en fait, qui a développé et essayé d'appliquer ce modèle au Kurdistan de Turquie. Dans le parti, ça a marché partiellement, parce que comme c'est une organisation très hiérarchisée et militaire, il y avait quand même, en fait, les limites de cette expérience, parce qu'on peut appliquer le truc de coprésidence, et par exemple, le PKK n'est pas une organisation autogestionnaire et surtout pas libertaire. Et du coup, moi, en tant que libertaire, par exemple, je critique certains aspects, en fait, de leur organisation militaire, et pour qu'en fait, le PKK devienne vraiment, qui applique une vraie autogestion, que ce soit dans le parti, aussi là où, en fait, les organisations du PKK est présente. Et en Iran, avec PEJAK, c'est exactement la même chose. En fait, c'est la coprésidence. Sauf que la différence entre Kobané et par exemple, en Turquie, c'est-à-dire entre le Parti de l'Union démocratique et le PKK, est la suivante. En fait, à Kobané, il y avait un vide politique. Quand, en fait, les militaires sont partis, retirés, et ils ont eu l'occasion de mettre en œuvre ouais. En fait, leur modèle. Alors qu'en Turquie, ce n'était pas le cas. Parce qu'en Turquie, il y a eu des tentatives, notamment à partir de 2005, avec le système de communauté d'unité en fait, des communautés de Kurdistan, non dit KJK. Et ils ont essayé de faire ça, c'est-à-dire créer une sorte de contre-pouvoir et mettre en œuvre en fait, leur modèle à partir de municipalités, tout ça. Ça n'a pas bien marché parce que quand en Turquie, l'État est très centralisé, très fort, l'armée aussi, parce que le PKK a une expérience, mais l'armée turque aussi, en fait, a une expérience depuis une bonne trentaine d'années. Et du coup, l'État s'attaquait en fait, disons que, aux Kurdes, et puis ils ont emprisonné à peu près 10 000, en fait, élus, militants, avocats, étudiants, etc. Et c'est pour ça que, du coup, on s'intéresse précisément à Kobané, parce qu'il y a une expérience, justement, qui peut... nous donner espoir sur la possibilité, enfin comme tant d'autres, hein, c'est pas le seul, mais la possibilité justement d'une auto-organisation. On va faire une petite pause musicale et on va continuer. Musique, la jungle des luttes sur FPP 106.3. On continue et... Show. Continue, donc on est avec le collectif anarchiste solidaire avec la résistance à Kobané, donc la partie orientale du Kurdistan, donc en Syrie. On en entend souvent parler sur les ondes. Là, on essaye de justement plutôt essayer de parler de ce qui se passe en concret et pas seulement dans cette résistance militaire dont on sait que voilà, ils mènent un front et ils sont en train de gagner cette bataille. Contre Daesh, si on peut dire. Ils sont aussi libérés depuis 2 ans, entre guillemets, donc du pouvoir de Bachar al-Assad, puisqu'il y a une sorte d'autonomie qui a été accordée sur ce territoire de Rojava. C'est Rojava, c'est... Non, enfin, tout à l'heure, je crois que tu as dit d'autres termes dont je ne reconnais pas le... C'est des villes, en fait. Ouais, voilà, mais du coup... Les cantons voilà, et la zone s'appelle Rojava. Rojava, voilà, c'est ça. Et c'est Kurdistan occidental, hein, pas oriental. Ah, est-ce que... Oui, oui. J'ai voulu dire occidental, ma langue a fourché. Et donc voilà, on a présenté tout à l'heure le contexte et on va essayer peut-être de parler de ce qui se passe justement depuis 2 ans, de ce confédéralisme démocratique qui est en train de se mettre en place, qui se met en place. Donc il y a plein de parallèles qu'on pourrait faire éventuellement avec les apatistes, puisque bon voilà, nous le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, on parle très souvent des apatistes, mais donc qui du coup essayent de mettre en place un système d'autonomie en visant jamais la question d'un pouvoir d'État et qui essaye de créer quelque chose d'horizontal plus ou moins ou pas et du coup de créer une autonomie dans tous les secteurs. Donc on va essayer de voir un petit peu justement ce qui est en train de se passer au niveau de l'éducation, de la justice, de la santé. On n'a peut-être pas toutes les informations, mais on va essayer un petit peu d'en savoir plus sur ce qui se passe dans ces cantons. Commencer. Par exemple, c'est vraiment, on parle d'une forme de démocratie sans État, en fait, ce que disait le coprésident du PYD. Il parlait clairement donc, de quelque chose qui se construit horizontalement. une autonomie donc, qu'ils ont construit eux-mêmes, hein, même si on leur a laissé, donc, si l'administration syrienne s'est retirée du Rojava, c'est aussi parce que voilà, eux, ils étaient là et pour construire autre chose. Et donc, il y a quand même un mouvement aussi populaire qui s'est saisi donc, de cet espace et qui ont créé, donc, d'après les informations qu'on en a, des comités donc, dans les rues, dans les quartiers, dans les villages, les communes, et puis ces fameux cantons, donc, ces trois cantons. Et donc, c'est autant dans les villages que dans les villes aussi. Et par exemple, dans un des cantons, Djérizé, je sais pas comment tu le prononces. Djérizé. Donc, ils ont mis en place ce qu'ils appellent les maisons du peuple. Donc, c'est les quartiers, en fait, qui sont représentés au niveau d'un village dans cette maison du peuple. Chaque quartier discute de ce qui se passe au quotidien, en fait, dans la ville. Donc, tout ce qui a trait à l'éducation, à la santé, à la justice... tout ce qui a trait au commerce aussi, donc pour pouvoir s'organiser dans la vie quotidienne de manière assez pratique. Et donc, ils sont représentés après au niveau du village, donc ça fait plusieurs échelons. Et par exemple, dans les cantons, il s'est mis en place une sorte d'administration qui va exécuter les décisions qui se prennent dans les différents comités. Donc, c'est des personnes qui sont élues. Par les différents groupes de quartiers et qui vont faire une administration quoi, pour exécuter ce qui est décidé depuis la base. Et ça, on parle de combien de personnes, plus ou moins, enfin, des petites villes, c'est des petits villages, des grandes villes ou plusieurs grandes villes, ou c'est industriel, c'est rural, c'est... parce que du coup, Kobané, c'est une ville très... En fait, il n'y a que l'agriculture, je crois. Et la population de Kobané, je crois que c'est autour de 200 000. Oui, donc c'est important. C'est important, oui. Et il y a Djézéré et tout ça, en fait, sont encore plus grandes. Ce sont des villes vraiment plus grandes que Kobané. Et bien sûr, chaque région ou chaque canton a sa particularité en termes de production, au niveau économique, au niveau géographique. C'est pareil, parce que dans certains... Canton, là, je ne vais pas vous dire dans quel exactement, il y a du pétrole, par exemple. Parce que 70% en fait, du pétrole en Syrie se trouve dans cette région-là. Ouais. Et du coup, c'est pourquoi la région devient aussi très importante. Très stratégique. Et stratégique, à la fois pour le régime, pour l'État islamique, mais aussi pour les grandes puissances impérialistes. Oui, on se demandait. Et c'est pourquoi, d'ailleurs... Moi, je veux le préciser, et la coalition a attendu en fait à peu près un mois, voire un mois et demi. Et en fait, suite à vraiment des résistances, ils ont commencé à intervenir parce qu'ils voulaient, qu'en fait Kobané tombe. C'était ça, à mon avis, au début, leur truc, parce que comme le projet fait peur, et pas seulement en fait à Assad ou les États autoritaire et dictatorial en fait dans la région, parce que le projet fait également en fait peur aux pays impérialistes. Ils veulent pas qu'il y ait en fait un modèle vraiment démocratique dans la région, parce que leurs intérêts en fait se trouvent en fait dans la division ethnique et religieuse en fait de peuples au Moyen-Orient, parce que là où il y a la guerre, ils vont vendre des armes. Là où il y a la guerre, ils vont en fait, ils vont diviser, le fameux truc pour mieux régner, tout simplement. Et je pense que ça les a rangés, mais avec ce modèle-là. D'où aussi la proposition de la France à un moment donné de faire une zone tampon et de venir justement intervenir en fait sur la région donc du Rojava, et de faire une zone tampon contre l'État islamique, et donc de reprendre le dessus sur la résistance, d'avoir une sorte de et de la contrôler, ouais. Et il n'y a pas que la France, hein. Il y a les pays du Golfe, et puis il y a la Turquie qui a proposé la zone tampon, ouais. Et avec laquelle la France était d'accord. Et qui fournit aussi des armes à Daesh, il ne faut pas oublier que la Turquie... Et qui forme aussi des militants sur leur territoire, voilà. Parce que ça, ce n'est pas un truc... Voilà, on n'est pas en train de faire en fait une théorie du complot, mais et, ça a été filmé et, à plusieurs reprises qu'ils étaient en train de former les gens. Et puis la plupart des islamistes qui partent en fait de l'Europe en Syrie pour faire le djihad passent par la Turquie. Oui. Ouais. Forcément, oui. Et du coup, ça pose en fait un vrai problème parce que d'une part, en Turquie, ils sont en train de négocier avec Abdullah Öcalan, qui se trouve en prison, et d'autre part, ils font en fait des trucs, voilà, ils essaient d'en fait renforcer une organisation comme l'État islamique pour essayer de récupérer la région kurde, ouais. C'est-à-dire... Et de minimiser le PKK. Exactement, le Rojava et affaiblir le PKK. Et c'est pas... C'est pour ça qu'ils ont misé en fait sur l'État islamique, les Turcs, le gouvernement turc a misé sur l'État islamique, mais sauf que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et donc, grâce à cette résistance de tous ces hommes et femmes dans ces villes, grandes villes et donc et villages, et qui s'organisent du coup, eux, et qui résistent. Camille, tu oui, c'est du ce, coup, qui est, pour nous... ce qui est intéressant, c'est que bon, on n'a pas forcément accès à toutes les informations parce que tout simplement la région, c'est une région en guerre, donc c'est pas toujours évident pour nous de communiquer avec les gens sur place. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs délégations aussi, y compris de personnes qui font partie du collectif, et aussi avec les partis en France, le PKK, enfin les. Avec le PKK et donc aussi les Kurdes qui sont en France, etc. Il y a eu des délégations qui sont faites là-bas pour essayer de rencontrer les gens à la frontière et de voir ce dont ils avaient besoin en matière de solidarité, mais aussi essayer de discuter avec eux sur ce qui se met en place. Et donc il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a des gens donc, qui reviennent de cette région et qui nous raconte aussi, par exemple, en matière de justice. C'est du coup, la justice donc, doit être forcément gérée. Il faut régler le problème de la justice à un moment donné quand on s'auto-organise. Et donc, pour l'instant, ce qui se passe aussi, c'est que ça a été... Donc, les expériences qui nous sont relatées, c'est surtout des expériences où il y a la mise en place de comités populaires où la justice fonctionne vraiment sur le mode de la réparation. Donc quelque chose qui va aussi à l'encontre du modèle carcéral, on va dire, de répressif, etc. Et là, on essaye de mettre en place un système où on répare donc, la partie qui a été foulée, on va dire. On essaye de faire discuter, en fait, quand il y a des conflits entre les personnes. Bon, après, ça se complique forcément quand il y a des conflits un peu violents, de type meurtre. Mais aussi, par exemple, par rapport aux violences sexuelles, parce qu'on parle aussi de la place des femmes, c'est pas que la parité. Et il y a aussi un travail qui est tenté d'être fait sur la question liée au corps des femmes, liée aux violences sexuelles. Et donc, il y a aussi des unités spéciales féminines non mixtes qui existent pour traiter spécifiquement la question des violences faites aux femmes. Et donc, arriver à faire en sorte qu'elles aussi, elles soient réparées dans ces violences-là. Donc après, bon, je ne sais pas si c'est efficace dans toutes les régions, dans tous les villages, etc. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont essayées, qui sont mises en place et qui vont aussi, on n'en a pas encore trop parlé, mais donc qui travaillent aussi donc, avec les unités ce qu'on disait tout à l'heure, les unités de défense du peuple. Donc, c'est des milices mixtes d'hommes et femmes. Ce sont eux qui mènent la résistance, en fait, à Kobané. Et il y a aussi des unités de défense de femmes. Donc, c'est les YPG et les YPG, si je ne me trompe pas sur la prononciation. YPJ, voilà. Mmh. Donc les femmes sont aussi impliquées dans cette lutte armée et donc il y a une réflexion qui est faite vraiment aussi sur les droits sexuels, on peut dire ça comme ça, au sein de ces milices-là qui aussi ont vocation à aider quand il y a des conflits, etc., au sein de ou quand il y a par exemple dans Kobané aujourd'hui, ce qu'on parle donc d'une ville avec beaucoup de population, mais aujourd'hui il y a à peu près, il y a quelques milliers de combattants qui s'y battent. Il y a presque plus de civils. Il y a encore des civils qui sont là pour assurer l'arrière en fait de la résistance. Pour, du front armé. Voilà, pour par exemple recoudre des vêtements, pour préparer la nourriture, pour assurer les premiers soins. Je crois qu'il y a que les médecins, ils se comptent sur la main les doigts d'une main en fait à Kobané. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Ce qu'on disait dans des structures médicales. Voilà, les hôpitaux en fait ont été. Il y a eu beaucoup d'attentats suicides dans Kobané. Et de bombardements aussi par Daesh. Donc les hôpitaux ont été détruits par des bombes. Et donc tous les actes de soins en fait se font dans d'autres structures qui sont à l'extérieur. Et en fait, comme il y a eu beaucoup de combats de rue, ce qu'ils disent, les témoignages qu'on en a, c'est que toutes les maisons elles sont fermées. Et en fait, les gens communiquent aussi par des trous entre les cloisons des maisons. Et la vie s'organise aussi autrement, de manière parallèle, clandestine. Et donc, font passer les malades quand ils ont besoin de se faire soigner. Donc, c'est des milices aussi, donc les unités de défense du peuple, qui vont les amener d'un endroit à l'autre, qui les préviennent quand il y a des combats et qui font un peu ce lien. Il y a une forte solidarité. C'est ça qui a fait aussi la force de Kobané. C'est que tout ce travail aussi d'auto-organisation, d'autonomie démocratique a permis de mettre en place des formes de solidarité très fortes qui ont, je pense, enfin, un autre sens, qui est la base en fait de cette résistance-là et qui fait qu'elle est encore en place et qu'elle est en train de gagner du terrain. Donc, par rapport à Daesh. Ben, on va faire une petite pause musicale et on poursuivra encore un petit peu. Sun, FPP, la jungle des luttes, on continue donc avec le collectif Anarchie Solidaire avec la résistance de Kobané. Donc je vous laisse continuer, on avait peut-être encore des petites précisions à faire et puis des annonces et, oui, et puis fait, aussi des critiques peut-être ou... Moi j'aimerais bien dire qu'en fait on a essayé de parler des choses positives qui se passent au Rojava. Mais aussi, en fait, il y a des choses qui sont négatives, voilà, qui ne sont pas parfaites, et parce que c'est un processus révolutionnaire, c'est sûr, mais aussi, il y a des choses, en fait, il y a des questions qu'on se pose sur certaines choses. Moi, les questions personnellement que je me pose, c'est par exemple, c'est sur les liens entre le parti et les assemblées populaires, ou entre les cantons. Quel est le rôle de parti dont, au niveau des décisions, tout ça. Ça, c'est la question que je me pose. Parce que, n'oublions pas qu'en fait, c'est une organisation hiérarchique et militaire qui essaie de mettre en place un projet autogestionnaire. Et il y a des choses, à mon avis, qui ne sont pas très claires. Parce que si c'est un projet autogestionnaire et... Ouais. Structure pyramidale, ça marche mal. Oui, et si c'est, en fait, si c'est un projet autogestionnaire et non hiérarchisé, il faut que les organisations principales commencent par elles-mêmes à appliquer en fait, cette expérience. C'est-à-dire qu'il faut que le PKK et les autres organisations comme le PYD, PJAC, tout ça, fonctionnent à une manière autogestionnaire. Alors que par l'expérience, on sait que non, ce n'est pas le cas. Et du coup, c'est une organisation pyramidale, hiérarchisée, en fait, qui essaie de créer une société autogestionnaire. Et, que eux contrôlent. Oui, et justement, oui, bien sûr, en tant que libertaire, moi, je me pose exactement cette question. Et puis, par exemple, en termes de rapport de classe sociale, on n'en parle presque pas. Parce que là, on ne peut pas dire que, par exemple, au Rojava, il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de propriétaire terrien. Il y a des gens qui travaillent, il y a des paysans sans terre, il y a des paysans qui ont quand même une partie de terre. Et du coup, pour moi, il y a des rapports de classe. Et du coup, les gens qui parlent du Rojava et de l'expérience ne parlent pas de ça. Et tout ça, en fait, ce n'est pas très clair. On en parle, par exemple, dans le canton. Est-ce que les salariés sont représentés? On ne le sait pas. Et après, on sait très bien que dans certains cantons, dans l'administration, il y a des gens qui représentent, par exemple, les grandes tribus. Il y avait une tribu très, très connue qui contrôlait un peu pas mal de territoires de la Syrie ou l'Arabie Saoudite. Le nom m'échappe, en fait. Et d'ailleurs, le mec, il était avec Al-Nusra qui faisait la guerre contre les Kurdes et qui est devenu, en fait, qui est maintenant avec, en fait, les Kurdes. Et cet homme-là, par exemple, il est représenté dans le conseil. Bon, après, c'est la guerre, ils font des alliances, tout ça, mais ça nous permet aussi, en fait, de nous poser des questions. Et à la fin, qu'est-ce que ça va passer? Disons que, par exemple, au niveau de parité, au niveau des femmes, dans la charité, en fait, il y a des trucs qui sont très, très importants, dont on a parlé tout à l'heure, notamment la parité, où j'ai pas, les femmes, elles font un travail au niveau des droits des femmes dans les quartiers, mais aussi des fois dans les maisons, elles interviennent, elles essaient de faire quelque chose et former les femmes à travers les académies qui ont été créées récemment. Et du coup, par exemple, dans certaines régions, là où les chefs de tribu, en fait, ont un contrôle très fort, s'ils n'appliquent pas, par exemple, la parité, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une des questions que je me pose. Vu qu'on a fait une alliance avec ces genres de personnes, est-ce qu'on pourra appliquer, est-ce que la charte, elle est valable, en fait? Sur toute... Bien sûr, ça, c'est la question que je me pose. Et du coup, ouais. Enfin, peut-être possible pour aller dans ton sens. Par exemple, c'est aussi la question, on se pose la question, il y a des comités populaires qui ont été créés, qui fonctionnent ou qui fonctionnent sur certaines choses. On ne sait pas où sont les limites, mais quand même, il y a un mouvement populaire. Qu'est-ce qui se passe aussi si ces groupes, ces comités donc prennent des décisions qui vont à l'encontre des intérêts, par exemple, des partis comme le PYD ou comme le PKK? Qu'est-ce qui se passe quand, du coup, ces forces-là, qui sont des forces populaires, donc auto-organisées, entrent en conflit avec les partis qui leur ont donné cet espace-là, on va dire, à la base, quand même, il ne faut pas le nier. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce cadre-là? C'est aussi une question qu'on se pose. Et bon, bien sûr, on ne peut pas y répondre, mais y a pas mal de... Par exemple, ils ont aussi créé, donc, ce que je disais tout à l'heure, une auto-administration, donc les maisons du peuple... On élise aussi des personnes pour faire les tâches administratives, appliquer les décisions. Quel pouvoir aussi ces groupes-là ont dans l'administration des villes? Quel contrôle des comités sur ces personnes élues, qui sont aussi, comme tu disais, parfois des gens qui représentent des intérêts dans les régions, quoi, des intérêts aussi collectifs pour un groupe de personnes ou individuels? Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui nous échappent aussi au niveau de la connaissance du sujet, mais qui sont aussi donc des comme c'est une résistance en train de se construire, un modèle en train de se construire qui reste un peu inconnu dans le processus révolutionnaire. Sauf que il faut pas se baser sur Kobané pour essayer d'analyser le modèle au Rojava, parce qu'on parle du Rojava, pas seulement de Kobané. Kobané, c'est une ville, d'accord, assiégée, il y a la guerre, moi je peux comprendre. Déjà, il n'y a pas de civil et du coup, on ne peut pas vraiment appliquer... Oui, parce que tout à l'heure, on n'a pas précisé, c'est que c'est une très grande ville, mais du coup, tous ces réfugiés qu'il y a de l'autre côté de la Turquie, oui. C'est justement précisément les populations civiles de ces régions en résistance. En fait, la grande majorité des gens voulaient rester à Kobané pour aider en fait, aux combattants et, voilà, et se battre contre l'État islamique. Mais sauf que quand l'État islamique en fait, a massacré par exemple, les Yézidis kurdes à Shingal, et les bébés, les femmes, tout ça. Et du coup, par peur, et par, en fait, pour protéger les civils, ouais. Tout ça, et le PYD a pris une décision. Et puis, en fait, les gens, ils ont passé la frontière. Et là, en fait, ils se trouvent dans le camp de réfugiés en Turquie. Et moi, en fait, la question que je me pose est aussi la suivante. Au niveau des cantons, moi, je veux bien, par exemple, poser la question suivante, bien sûr. Quelle est l'origine sociale, en fait, des gens, c'est-à-dire des gens, en fait, qui sont administrateurs, entre guillemets, dans le canton? Est-ce que, par exemple, un ouvrier ou un paysan, il peut arriver facilement, il a accès, en fait, à ce genre de poste? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et parce qu'on ne se pose pas, en fait, certaines questions en termes de rapport de classe. Et là, moi, en fait, la question qui me préoccupe vraiment, et en plus, n'oublions pas que le PKK, il s'appelle le Parti des Travailleurs du Kurdistan, c'est-à-dire il doit défendre d'abord les intérêts, en fait, de classe dominée. Et du coup, en tant que socialiste libertaire, moi, je me pose aussi ce genre de questions. C'est bien de mettre en avant leur modèle. C'est sûr, en fait, que dans la région, c'est un modèle révolutionnaire. Mais en tant que libertaire, c'est pourquoi d'ailleurs on a créé le collectif Être solidaire, mais avec des réserves, en le critiquant pour qu'il fasse mieux. C'était ça un peu aussi, c'est pas juste, voilà, on est solidaire parce qu'il y a une guerre, mais on a aussi des critiques envers le modèle. Sur place, est-ce qu'il y a une implication justement de ce que tu dis, de gens de Kurdes, socialistes, libertaires à Kobané, à Rojava, avec qui vous êtes en contact aussi, et parce que je crois qu'il y a des gens qui sont venus de Turquie, au moins, en tout cas, pour lutter, pour combattre. Mais est-ce qu'il y a d'autres groupes comme ça, plus socialistes, libertaires, qui sont impliqués là-bas? Il y a un groupe anarchiste, en fait, qui s'appelle Action Révolution Anarchiste, c'est DAF, qui est à la frontière depuis presque le début, en fait, des conflits. Et, bien sûr, ils ne sont pas là-bas, en fait, pour faire la guerre, mais ils font une sorte de bouclier humain depuis le début. En fait, ils restent là-bas, dans les villages, à Sulouch. Ils essaient d'aider les gens, tout ça. Ils sont sur place. Et aussi, il y a des anarchistes kurdes qui sont présents, et, que ce soit à la frontière ou dans les villes qui sont plus proches, en fait, des frontières. Et bien sûr, ils sont très engagés. Parce que c'est eux qui peuvent... Et c'est d'eux dont vous avez les informations, de toute façon. Bien sûr, voilà, parce que c'est eux qui peuvent donner le plus d'informations. Mais c'est justement toute cette question de se poser les bonnes questions. C'est ce qu'ils disaient, c'est que du coup, c'est leurs informations, elles viennent de ces groupes-là, mais du coup, il reste encore aussi à faire une réflexion critique. On va essayer de finir tranquillement pour laisser le temps après. Voilà, c'est justement pour faire une transition sur les actions du collectif, parce que c'est justement en fait des personnes de la DAF qu'on a invitées en France à venir faire une tournée dans plusieurs villes de France. Donc ça va être pour l'instant, je pense qu'on a une bonne dizaine de villes qui sont prêtes à accueillir donc une personne de la DAF qui va venir. Et donc, on pourra aussi débattre de ces questions-là avec eux, parce que c'est aussi des questions qu'ils soulèvent eux-mêmes sur place. Et donc, ça sera dans le nord de la France, dans le sud, enfin, surtout dans l'ouest, je pense. Et donc, on communiquera sur ces dates-là. Donc, on peut trouver les infos sur le blog, c'est ça ? Sur le blog, les infos vont être... pour l'instant, on est dans la construction de la tournée, donc les infos vont être données sur le blog. On peut peut-être rappeler l'adresse. C'est www.rojavasolidarité.noblogs.org. Voilà, on n'est pas le seul collectif à faire ce genre d'action. Il en existe dans d'autres pays qui ont aussi fait des collectes, des souscriptions donc pour récolter des fonds pour la résistance au Rojava. Donc, il y en a en Suède, en Allemagne, en Suisse. Donc, ça a fait... il y a eu quand même un élan de solidarité assez important au niveau international. Et, il y a d'autres collectifs en France aussi. Il y a d'autres collectifs qui sont créés en France. Donc, le collectif parisien a été un des premiers quand même. Mais c'est très jeune comme expérience. Et il y a aussi pas mal de choses qui sont faites un peu partout. À Marseille, il y a un nouveau collectif qui s'est créé. Donc on va peut-être rappeler que pour ceux qui veulent éventuellement vous rejoindre, c'est tous les lundis à 19h30 à Publico, rue Amelot, à Paris, dans le 11e. Voilà. Et merci beaucoup. Peut-être qu'on vous réinvitera pour justement poursuivre cette analyse, réflexion, discussion. Et on finit avec un Venceremos en kurde, c'est ça ? Tout à fait, oui. Bon, merci beaucoup. Et puis, de toute façon, vous restez avec nous jusqu'à la fin du programme. Oui. Hein. Merci. Donc, musique. Socialist, 106.3 FPP, la jungle des luttes. Donc, on a une petite demi-heure à peine. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui, là, enfin, dont on va parler, qui renvoient à des choses dont on a pu parler justement sur les ondes, comme vous avez sans doute entendu parler des étudiants assassinés au Mexique, au Guerrero, à Iguala, et des étudiants disparus. Et de, bon, voilà, de la situation de ce narco-État qui est en train de se révéler de plus en plus violent. Enfin, ou en tous les cas, ça fait des années que ça dure. Et là, ça commence à devenir flagrant, on va dire. Donc, on ne peut plus le nier. Et on a Thomas qui est avec nous et qui, donc, justement, était là aussi samedi où il y avait la question de la répression policière qui était évoquée. Puisqu'en France aussi, il y a des luttes et il y a aussi des assassinats, même si c'est beaucoup moins brutal. Quoi qu'il arrive, voilà, c'est des vies qui sont mises en jeu pour des intérêts politiques, etc., etc. Donc, je m'attarde pas plus et je laisse Thomas. Ouais, non, c'était déjà aussi revenir un peu d'abord sur Ayotzinapa, parce qu'il y a des gens aussi un peu qu'on a pu suivre dans les médias, même récemment, là, dans la grande presse, même Le Parisien, etc. Ça a reparlé de ce qui se passe depuis le 26 septembre, en fait, où il y a eu cette répression contre Ayotzinapa, qui est une école de paysans indiens, enfin dans le Guerrero, ouais, une école normale rurale, donc qui forme des instituteurs qui viennent des plus basses classes sociales, et donc une école révolutionnaire très connue au Mexique. Et donc voilà, avec 10% du coup de l'école qui a été ou tuée ou portée disparue suite à une tentative donc de récupérer des bus dans la ville d'Iguala, où du coup la mairie, la police locale, complètement liée au narcotrafic, ont décidé de les exterminer, quoi. Et donc depuis le 26 septembre, en fait, cette histoire-là, elle a provoqué énormément de remous au Mexique. Bon, tout de suite, les étudiants, ils sont énormément mobilisés malgré toutes les pressions qu'il y a eu contre eux, la coupure de leurs aides alimentaires, les menaces de mort sur leurs parents, etc. Bon, tout de suite, ils sont énormément mobilisés dans tout le Guerrero, dans tout l'État. Et en fait, maintenant, au Mexique, on parle d'insurrection civile pour refléter un peu ce qui est devenu cette question-là depuis, en fait, le 26 septembre. Les manifestations, elles n'ont pas arrêté de se multiplier. Et donc, à chaque fois, maintenant, c'est ça, à chaque nouvelle date de manifestation, ça rassemble des centaines de milliers de personnes, depuis les zapatistes au Chiapas jusqu'à l'autre bout du pays, avec tout type d'actions. Ça va de meetings, de manifestations, de rassemblements, de collectes de solidarité, jusqu'à des grèves étudiantes, jusqu'à au saccage des sièges gouvernementaux, Guerrero, le palais du gouverneur, les principaux institutions ont été mises à sac, la mairie en question, les centres commerciaux qui appartenaient au narcotrafic, etc. Et donc il y a vraiment un espèce de soulèvement national sur cette question qui est extrêmement important là-bas, qui marque vraiment vraiment quelque chose de très très fort au niveau du pays aussi, parce que beaucoup de gens s'y reconnaissent, se reconnaissent, enfin, sans avoir vécu une situation aussi horrible, en fait, la pression à la fois du narco et à la fois la collusion avec la police et avec l'État est tellement forte, en fait, que du coup c'est un peu l'occasion pour plein de gens de se rebeller contre cet état des faits à plein d'endroits, quoi. Et donc une lutte très importante. Là, il y a des caravanes de solidarité qui sont parties dans les trois vers le nord du pays, le centre et le sud, il y a quelques jours, qui sont arrivés chez les apatistes, qui les ont accueillis, enfin notamment celle qui allait vers le sud, donc qui est arrivée jusqu'aux apatistes, qui les ont accueillis en grande pompe, enfin avec énormément de des centaines, des milliers de personnes, des communautés, pour les écouter, pour partager avec eux. Ça, c'est une dynamique un peu qui est générale. Il y a aussi pas mal de répression. Il y a des gens qui ont été mis en prison suite aux manifestations, notamment à la capitale. Il y a encore un certain nombre de personnes qui sont détenues et qui risquent gros. Et surtout, la police tire de nouveau. Il y a eu des tirs de la police contre des manifestants au Guerrero, dans un autre état qui s'appelle le Guanajuato, et dans la cité universitaire, ça veut dire au plein cœur de la plus grosse, le plus gros campus étudiant de tout Mexique et l'Amérique latine, qui rassemble près de 200 000 étudiants, où il y a eu plusieurs tirs d'agents de la police contre des manifestants près de l'auditorium Che Guevara, pour ceux qui connaissent, qui est un peu le centre social occupé de l'université. Donc des faits assez durs qui méritent un peu que ça soit suivi. Nous, de notre côté, il y a différents un peu collectifs qui de gens qui se mobilisent en Europe, en France, etc. Donc, voilà, nous, au niveau du collectif du CSPCL, on avait essayé de faire des choses autour de un peu des dates de la fête des morts avec un autre collectif qui s'appelle Tierra y Libertad para Orocó, qui est plus de solidarité avec les Mapuches, mais on avait envie de réagir par rapport à ça. Et donc, et avec des rencontres aussi avec des gens de la diaspora mexicaine d'ici, principalement des étudiantes aussi, différentes personnes qui avaient envie de réagir par rapport à ça. Et donc, il y a eu des actions sur l'ambassade et sur... sur le centre culturel. Enfin, l'ambassade, c'est... Ouais. Il y a eu aussi une petite manifestation. Et aussi, on a fait notre propre fête des morts un peu pour rendre hommage, expliquer ici ce qui se passait là-bas et puis envoyer quelques messages de solidarité là-bas. Alors du coup, je vais vous lire un peu la lettre qu'on a décidé d'envoyer aussi là-bas aux étudiants et puis aux apatistes, etc., où on essaye aussi de dire à la fois notre solidarité avec là-bas et puis à la fois des situations qui se passent ici. Et ça sera la transition un peu aussi avec les violences policières. Je crois qu'on est dans les temps. Alors, nous ne les oublions pas. Aux étudiants d'Ayotzinapa, à leurs proches et à leurs familles, à toutes les personnes qui sont solidaires avec eux, au Mexique et dans le monde, à l'EZLN, au Congrès national indigène et à la Sexta du Mexique et du monde, c'est-à-dire aux gens qui partout luttent depuis, par et pour celles et ceux d'en bas. Qu'on passe, à 6 semaines de l'attaque qu'ont dû subir les étudiants d'Ayotzinapa, la douleur et la rage qu'elles ont provoquées restent vives, pas seulement au Mexique, mais dans le monde entier. En France, nous avons décidé de participer à différentes activités et offrir nos offrandes aux morts, afin de partager cette terrible douleur du Mexique avec les gens d'ici, mais aussi afin de partager la douleur de toutes celles et ceux tués, assassinés ou disparus par les polices et les corps armés des États au Mexique, en France et partout ailleurs. Tout d'abord, nous avons pensé qu'il fallait que nous rompions l'hypocrisie et les mensonges de l'ambassade mexicaine qui cherchait à profiter de la fête des morts pour faire sa promotion et vendre une image simplement folklorique du Mexique. Donc nous avons décidé de nous immiscer dans le festival officiel de la fête des morts pour dénoncer ce qui s'est passé à Ayotzinapa et dire que cette attaque horrible ne sera pas réduite au silence par l'infamie et par l'oubli. Nous sommes donc allés à l'inauguration du festival avec différents compañeras et compañeros car l'ambassadrice du Mexique devait y prendre la parole. Nous y avons distribué des tracts dénonçant la répression du narco-gouvernement et nous avons rendu visibles les visages des 43 disparus. Car jamais nous n'accepterons que leur vie soit volée, passée sous silence et assassinée par l'État, car c'est en vie que nous les attendons. Le jour suivant, nous sommes retournés avec d'autres compas au centre culturel mexicain afin de dénoncer ces gens infects qui préfèrent discuter sur les couleurs, les odeurs et les senteurs de la fête des morts plutôt que de dénoncer ce qui s'est passé à Ayotzinapa et lutter pour la réapparition en vie des disparus. Durant ces interventions, nous avons également tenu à dénoncer le rôle ambigu joué par les États occidentaux, car il nous semble clair que ces derniers cherchent à utiliser ces événements pour imposer de manière impérialiste des forces militarisées plus liées à leurs propres intérêts, comme le prouve le déploiement dans la zone de la gendarmerie nationale formée par les États français, colombiens et israéliens, qui, selon les propres sources officielles, auront pour mission de protéger l'extraction de matières premières ainsi que les chaînes productives définies par les chambres patronales, qui seraient mises en danger par des groupes criminels, c'est-à-dire plutôt par des groupes subversifs ou nocifs à leurs propres intérêts prédateurs. C'est pour cela que nous tenons à affirmer que, de notre part, nous n'avons aucune confiance dans les agissements de la France, de l'Union européenne ou d'un quelconque autre pays, car nous savons bien que seuls ceux d'en bas sont à même de protéger réellement le peuple. Nous appelons donc toute la solidarité internationale à ne demander aucune intervention de ceux d'en haut, mais au contraire à se solidariser avec ceux d'en bas et lutter pour la libération de Néstor Salgado, de Marco Antonio Sastiegui Muñoz, des gardes communautaires des Ostula, ainsi que de tous les éléments des polices communautaires injustement incarcérés pour leur détermination à défendre leur village par eux-mêmes. Mais au-delà de leurs événements à eux, nous avons voulu faire aussi nous-mêmes notre propre fête des morts et profiter de cette occasion pour partager un peu avec vous la mémoire des personnes qui ici même ont été tuées par la police française. L'horreur à laquelle vous êtes confrontés n'a clairement aujourd'hui aucun équivalent dans ce pays qu'est la France. Mais comme vous le savez peut-être, ici aussi ceux d'en haut les mains tachées par le sang. Comme l'a illustré le 26 octobre dernier l'assassinat par la gendarmerie française d'un jeune manifestant de 21 ans, Rémi Fraisse. Lui, comme des milliers d'autres, s'opposait à la construction d'un barrage qui avait déjà commencé à détruire plusieurs hectares de forêt et une des dernières zones humides du Tarn, dans le sud-ouest de la France. Il est mort lorsque les gendarmes, grâce à une autorisation accordée par ce gouvernement socialiste, ont décidé d'utiliser des armes de guerre, des grenades offensives, pour repousser les jeunes qui tentaient de les expulser des lieux. Depuis lors, dans tout le pays se multiplient activités de solidarité et manifestations malgré l'interdiction de manifester et la fermeture administrative des universités qui pourraient prendre position par rapport à ce qui s'est passé. Ce crime d'État n'est pas exceptionnel et ce n'est pas non plus un fait isolé. Sans revenir à la déportation de dizaines de milliers de Juifs par le gouvernement durant la Deuxième Guerre mondiale, au massacre de centaines d'Algériens en octobre 61 à Paris et à tous les massacres coloniaux opérés par l'armée française, en fait, chaque année, des gens sont assassinés par les flics dans les quartiers populaires. Et ce sont des frères, des parents, des enfants, des proches et des voisins qui crient du même coup pour dénoncer l'impunité totale avec laquelle la police française procède. Ce 1er novembre, nous nous sommes donc remémorés par des projections comment il y a 7 ans, la police a tué dans une impunité totale Lamine Dieng, un jeune du quartier, pas très loin de l'endroit où nous trouvions, le local du syndicat de la CNT dans le 20e arrondissement. Et en se remémorant aussi à cette occasion la mort de Bouna Eziyed, 17 et 15 ans, mort un 27 octobre en tentant d'échapper à la persécution de la police. La mort de Sébastien Brie, un autre jeune mort, le 7 novembre 2004, écrasé par un train de déchets nucléaires dans l'est de la France. Et tout autant celle d'Amin Ben Toutsi, de Wissam El Wade, d'Ali Ziri, de Youssef Kaif, de Mohamed Berichi et de bien d'autres, dont l'histoire nous a été un peu contée par des personnes provenant de la banlieue parisienne de Damary-les-Lys, par des personnes du collectif Angle Mort et de l'ex-collectif Vivolé. Hop. Était également présent à nos côtés différents compas originaires d'autres pays d'Amérique latine, colombiens, boliviens, caribéens et des chiliens venus chacun avec la mémoire de leur propre mort, spécialement celle des compas mapuche. Nous ne pouvions pas non plus oublier les assassinats effectués par l'armée israélienne en Palestine, ni les Kurdes et les victimes actuelles des guerres au Moyen-Orient. Ni non plus la mort récente et accidentelle d'un de nos compagnons de route, Nasser, qui venait et était toujours présent à nos événements. C'est donc avec mémoire de toutes celles et ceux pour qui la vie a été dérobée, qu'ils vivent à Paris, au Mexique ou dans n'importe quelle partie du monde, que nous continuons à lutter et à fraterniser entre nous toutes, nous tous, nous toutes, pour qu'un jour nous ne mourions plus ainsi et que ni l'impunité ni l'oubli ne nous fassent jamais plus souffrir. Qu'on passe à vous toutes nos embrassades et toutes nos pensées pour ceux qui ne sont plus, mais qui sont dans nos, cœurs restent en vie. Voilà, c'était le communiqué un peu qu'on voilà, on va envoyer là-bas au Mexique un peu pour leur raconter aussi, à la fois se fraterniser, donner un peu notre parole aussi sur la coopération policière et puis raconter les histoires de violences policières. Et donc on vous propose là d'écouter maintenant deux interventions des discussions qu'il y a eu samedi soir à La Parole Errante, où il y a eu un événement où ont participé plusieurs centaines de personnes et beaucoup de gens qui viennent qui ont raconté leur propre propre histoire et l'histoire de leur famille, tuée souvent par la police ou différents cas. Et voilà, je pense qu'on aura l'occasion à FPP de réécouter différents extraits de ce qui s'est passé samedi soir, et c'est important en tout cas qu'ils circulent. Voilà, on va écouter donc maintenant la première intervention, vu que ces concerts de soutien étaient pour la famille Camara qui se retrouve incarcérée, dont deux des membres de la famille se retrouvent incarcérés pour 12 et 15 ans suite aux émeutes de Villiers-le-Bel. Bonsoir. Bonsoir, je me présente. Moi, c'est M. Camara. Je viens de Villiers-le-Bel et je suis les frères des frères des émeutiers, en gros, de Villiers-le-Bel. Voilà. Les émeutes qu'il y a eu en 2007. À Villiers-le-Bel, ben voilà, mes petits frères ont mangé 15 et 12 ans sur 300-400 émeutiers. Et c'est les deux à avoir pris une peine de 15 et 12 ans. Voilà. Donc là, je suis venu pour me présenter parce que voilà, Joe est venu nous contacter pour pouvoir représenter un peu ce qui se passe aussi de l'autre côté de la ville, dans le 95 ou dans le 96 ou n'importe où, en tout cas, tout ce qui se passe. Voilà, à Villiers-le-Bel, voilà, mes petits frères ont mangé 15 ans, 12 ans, pour rien, parce que soi-disant, ils ont tiré sur la police, alors que pas de preuves, alors que nous avons des preuves. Trois policiers ont tué deux enfants à Villiers-le-Bel. Voilà pourquoi il y a les émeutes. Et ils n'ont rien vu, les policiers, alors que mes petits frères, eux, ont mangé une lourde peine sous l'ère de Sarkozy, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 7 ans, aujourd'hui, ils peuvent avoir une demande de conditionnel, mais ça va faire 4 fois que un de mes petits frères la demande, et elle est refusée. Pourtant, ils ont pratiquement fait la moitié de leur peine. Mais je sais pas, ça coince. Aujourd'hui, il y a les familles qui souffrent. Ma mère, elle souffre. Mon père, il souffre. Les frères, les sœurs, ils souffrent. Moi-même, j'en souffre. Voilà. Après, je sais pas ce qu'on peut faire, mais en tout cas, il faut que les gens ils entendent que voilà, il n'y a pas de justice et que on en a marre de voir que ça se passe toujours mal pour les gens qui viennent des quartiers défavorisés, soi-disant, qu'on est mal vu, alors que moi, personnellement, je travaille, je suis fonctionnaire, je travaille pour la ville, je travaille pour les enfants. Quand je vois qu'il y a des problèmes, j'essaye d'améliorer les choses. Mais voilà, on ne voit pas ce côté positif, on voit toujours le côté négatif de la cité, des jeunes. Je peux avoir une casquette, mais ça ne veut rien dire. Je travaille et je suis un bon gars. Après, voilà. Mais voilà, mes petits frères, aujourd'hui, ils sont là-bas. Ça va faire 7 ans aujourd'hui. Il y en a peut-être qui les ont oubliés, parce que, bon, voilà. On a même oublié les morts, parce qu'aujourd'hui, il y a deux petits jeunes qui sont partis. Les familles, elles souffrent encore. Moi, je travaille même avec la maman qui travaille dans l'école où je travaille. Je ne sais pas si vous connaissez les TAP. Mais voilà, chez nous, il y a les TAP, on fait des activités de rythme scolaire. La maman, elle est là, elle fait son ménage dans l'école et moi, je suis là avec elle. On soutient moralement, physiquement. Mais voilà, on pense à nos enfants, on pense à nos frères. Ça fait mal tous les jours et ça fait 7 ans. Et ça continuera parce que voilà, c'est comme ça et il faut faire quelque chose, il faut envoyer un message, il faut que ça s'arrête, tout simplement. Après, voilà, donc moi, je voulais remercier le collectif, Joe, les participants, tous ceux qui sont là, les familles aussi, c'est important. Ces actions, elles peuvent apporter beaucoup pour aider les familles. Moi, aujourd'hui, mes parents, c'est vrai qu'ils ne sont pas riches. Aujourd'hui, c'était difficile de payer les avocats. Joe, il est venu. Aujourd'hui, bon, il n'était pas là pendant le moment, mais bon, voilà. Pour les aider, les familles, les frères qui sont en prison, qui n'ont peut-être pas d'argent, mes parents, ils ne peuvent pas leur envoyer tous les mois de l'argent, et ben nous, par rapport à ces actions-là, on peut se permettre de les envoyer un peu. Et voilà. On leur remercie infiniment et on leur souhaite de continuer comme ça et pas s'arrêter. Merci en tout cas d'être là et merci beaucoup. FPP, la jungle des luttes, on est sur la fin du programme et je te laisse introduire Thomas, le deuxième petit bout d'intervention. Voilà, on va juste passer le début d'une deuxième intervention assez importante, celle d'Amal Bentounsi, qui est donc à l'origine du collectif Urgence, notre police assassine. Et voilà, parce que c'était important, on va la couper simplement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais on va vous laisser le début et puis ensuite, de toute façon, vous pouvez les retrouver, ils vont être écoutables sur Internet et sur FPP. Donc c'était justement samedi à la parole des rentes à Montreuil. Organisé par Angle Mort. Alors, moi c'est Amal Bentounsi, j'ai mon frère qui a été tué le 21 avril 2012 à Noisy-le-Sec. D'une balle dans le dos. Quand j'ai appris la nouvelle, comme tout le monde à la télé, je ne savais pas que c'était mon frère. Je l'ai un peu deviné, mais après ça c'est... Comme pour la mort de mon frère et comme pour la mort d'autres jeunes, tout de suite ça a été des mensonges de la part des médias. Donc les médias, ils ont qui en face d'eux? C'est les syndicats policiers qui leur relaient l'information. Ils parlaient d'un multirécidiviste qui était en train de braquer, qui était en cavale. Effectivement, mon frère n'était pas... Voilà, il avait fait des conneries comme tous les jeunes. Il avait été stigmatisé depuis l'âge de 13 ans. Et depuis l'âge de 13 ans, il avait une lourde condamnation à 13 ans. 13 ans, c'est l'âge de mon fils actuellement. Donc tout de suite, on a été sans pitié. La justice a été sans pitié avec lui. Il a été stigmatisé, parqué dans un ghetto. Et puis après, au final, il a été tué par un policier. Excusez-moi, à chaque fois, je... Donc c'est cette souffrance qu'il a eue depuis toutes ces années. Et c'est dur d'en parler parce que il est mort comme un chien, quoi. Tué par les chiens de la République, quoi. J'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible, c'est pas un sac à main que j'ai perdu, c'est mon frère. Il a souffert, on lui a pas fait de cadeau. Donc moi je vais pas leur en faire aujourd'hui. Donc de là, je me suis mobilisée. J'ai mobilisé pendant 3 mois, on a fait des manifestations à Noisy-le-Sec tous les samedis, qui partaient du lieu où il y a eu la course-poursuite jusqu'au lieu où il a été abattu. Donc, dans cette affaire-là, un magistrat qui, je tiens à le souligner, parce que souvent on parle de justice, et un cas parmi beaucoup, c'est que ce juge a voulu être courageux, a été courageux, c'est-à-dire qu'il a fait une enquête de fond, il a mis notamment des policiers sur écoute, et vraiment, c'est l'une des premières fois où mon avocat me dit très clairement, il me dit Amal, il me dit, vous savez, ce que vous avez fait, la pression que vous leur avez mise, si cette affaire, elle en est là où est-ce qu'elle en est, c'est grâce à vous, c'est parce que vous n'êtes pas laissé faire. Il m'a dit, vous leur avez mis la pression. Merci à ce témoignage. Donc effectivement, vous aurez moyen de les retrouver, en tous les cas en partie, donc sur le blog La Jungle des Luttes, le blog de notre programme. Et donc, vous pouvez nous réécouter donc jeudi de 8h à 20h30. Et sinon, si vous voulez rencontrer le CSPCL, on est tous les mercredis soirs à 20h30 au 33 rue des Vignoles, dans le 20e métro Avron. Donc voilà, c'est une assemblée ouverte, on peut discuter de plusieurs luttes, donc ici et ailleurs. Voilà, c'est un peu à l'image, ou en tous les cas, c'est ce qu'on souhaite, nous, que ce soit à l'image de ce programme de radio où il y a des croisements de luttes, des ponts qui se créent, des informations qui s'échangent, des espaces qui se partagent. Et donc, en solidarité, il y a aussi évidemment la solidarité avec la radio FPP qui nous accueille, 106.3 fréquence Paris pluriel. Donc, dimanche 23 novembre 2014, donc c'est dimanche prochain, à 17h au CICP, soirée de soutien pour Fréquence Paris pluriel organisée par le CCC. Et donc, c'est punk celtique avec Trousan Noz, donc c'est breton, hein. Baf ou Torgnol, un punk rock de Paris, et Louisling et The Bombs, un narco-punk. Donc voilà, et comme toujours les concerts du CICC au CICP, il y a toujours un début de programme avec la projection d'un film, donc voilà, aux alentours de 17h, et suivent donc les concerts. Donc 21 Terre, rue Voltaire, dimanche, solidarité avec FPP. Merci au collectif Anarchie Solidaire avec la Résistance de Rojava. Merci à Thomas pour ce partage d'informations sur ce qui se passe au Mexique et la répression ici. Donc on vous quitte, à bientôt, merci de nous avoir écoutés, et au mois prochain, j'espère.